Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Man yaqra? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qala shaykhul islam, abul abbas ibn taymiyyah rahimahu ta'ala, wa min al-iman billah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tahrif wa la ta'til wa min ghayri takyif wa tamthil bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithli shay'un wa as-sami'u al-basir falyanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون يمثلون صفاته ولا يكيفون ولا يمثلون prononce le لا ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له وليقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحدث حديثا من خلقه ثم رسوله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تغرب ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. قوله رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، هذه الجملة ما شرحها الشيخ سعدي رحمه الله، لكن تقدمت معنا في القواعد المثلى. تذكرون القاعدة السابعة في أسماء الله عز وجل، أي في الإلحاد في أسماء الله عز وجل. فعند من؟ ما معنى قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته؟ تفضل. الإلحاد والميل بها عما يجب فيها. أحسنت. الإلحاد أي الميل. C'est pour ça qu'ils appellent القبر اللحد. C'est une façon de creuser la tombe. Et le trou, il est à la janib. Le trou, il est sur le côté, en bas. الإلحاد أنواع. تذكرون من يذكر نوعا؟ أحسنت. قبل ذلك donc on disait أن الإلحاد c'est الميل. الميل c'est le fait de dévier, de délaisser. Mala, c'est le fait de se pencher. فالإلحاد c'est le fait de délaisser la vérité في هذا الباب. فمثلا الذي يسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه سبحانه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. Le fait de donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ne s'est pas donné ou que son prophète عليه الصلاة والسلام ne lui a pas donné. زيد عن أخر نوع تفضل. نعم أن تسمى الأصنام بأسماء الله عز وجل أو يشتق لأسماء الأصنام أو يشتق نعم لأسماء الأصنام من أسماء الله كاللات والعزة ومنات إلى آخره. تفضل. إنكار اسم من أسماء الله عز وجل le fait de rejeter un اسم. Le fait de donner un ism que Allah il a pas, le fait de rejeter كذلك un ism que Allah il a, subhana semina al-ilhad. Et d'autres points qu'on avait cités ensemble, fi al-qawa'id al-mutla. Vous avez remarqué que muqaddimatu al-wasitiyya, ce qu'on lit al-haqiqa, c'est ibara al-muqaddima pour l'instant. C'est comme une introduction pour le matn. Et avant de détailler certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh al-Islam, il a cité rahimahullah manhaj ahl as-sunnah fi as-sifat wa fi asma'illah 'azza wa jalla. Bah, tu dois croire, bien sûr, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs. Tu dois t'écarter, comme taqaddam ma'ana, du tamtil, du takif, du ta'til, du tafouid ila akhirih. Hada al-kalam, c'est un kalam mufid jiddan. Et vous avez remarqué que hada al-kalam, fil haqiqa, c'est ce qu'on a étudié ensemble fil qawa'id al-mutla. Bien sûr, qawa'id al-mutla, c'est plus détaillé, c'est une risale. Lakin huna, c'est aslul kalam, c'est la base de ce qu'on a vu. Hada al-mawdu', il est muhim, ce passage il est très très important. Al-qawa'id al-mutla, c'est un livre très très important. Celui qui veut comprendre al-aqida, khassatan bab al-asma'i wa al-sifat, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, il a écrit cette risala, et c'est un résumé des paroles de Cheikh al-Islam al-Taymiyyah rahimahullah et de son élève l'imam al-Qayyim alayhim rahmatullahi jami'an. C'est très très important de l'étudier, de la comprendre. Ça facilitera à celui qui veut étudier al-wasitiyya, ou bien sûr al-tadmouriyya, ou al-hamawiyya, ou d'autres livres fi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi, ça lui facilitera jiddan. Et on a un exemple là. Même si al-Sheikh Sa'di rahimahullah, il n'a pas expliqué ce passage, wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, on a été capable ensemble, lillahi l'hamd, de résumer cette mas'ala et de la comprendre. Maintenant, on l'a étudié auparavant. C'est ça l'importance d'étudier livre après livre. Il y en a certaines choses qu'on ne citera pas ici, on les a déjà vues auparavant. Et d'autres choses qu'on ne citera pas huna, mais idnillahi azza wa jalla, on les verra plus tard dans d'autres livres. Et d'autres choses qu'on ne verra pas ensemble plus tard, vous les verrez, incha'Allah, avec un autre, ou en lisant, ou en écoutant. Hakada al-ilm. Ama celui qui veut tout comprendre d'un coup, tout étudier d'un coup, hada fil haqiqa, il n'étudie pas grand-chose. S'il retient certaines choses. Kadhalik fa'ida. On avait cité ma yata'allaq bil jam' bayna at-tasbih wal-hamd. قوله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. On avait dit ماذا qu'est-ce qui peut nous répéter أن الجمع بين التسبيح مثلا dans ce verset سبحان ربك رب العزة et à la fin الحمد لله رب العالمين dans l'autre verset que Cheikh al-Islam il a cité rahimahullah dans le matn. Et on avait cité une faïda, tayyiba, le fait que dans certains textes, à tasbih, qawl subhanallah, ou subhan rabbika huna, et alhamd, alhamdulillah, que ce soit cité dans le même verset, ou dans le même texte, ou dans le verset suivant, il y a une faïda azima. Man yudhakkiruna, tfaddal. نعم فتستفيد ماذا احسنت اي on a trouvé un في شرح الرشيد رحمه الله عليه التنبيهات السنيه الى سيتي هذه الفائده بل الى سيتي كلام دو الامام ابن كثير رحمه الله فقال رحمه الله اي عند شرح قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون ce passage de الواسطية قال الإمام ابن كثير رحمه الله ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال donc التسبيح قوله عز وجل سبحان ربك هذا سي du tanzih, ay an Allah subhanahu wa ta'ala tanazzaha min an-naqa'is wal 'uyub. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'imperfection, il n'a pas de manquement. Fait quand on dit subhanallah, c'est kalimatu tanzih. Et Allah azza wa jalla, il est au-dessus des imperfections, il n'a aucune imperfection. Et hada, ça implique mada, qal wa yastalzim ithbat al-kamal. S'il n'a pas d'imperfection, c'est qu'il a des attributs parfaits, azza wa jalla. ثم قال كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيع عن النقص. الحمد لفد جغ الحمد لله هذه سي une كلمة pour montrer أن الله عز وجل له الصفات الكاملة. On dit الحمد لله والحمد سي الثناء. أي سي لفد de citer les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms avec le mahabba et le ta'zim comme taqaddam. Hada, ça implique mada, annahu, il n'a pas de manquement, il n'a pas d'imperfection. Thumma qal, et c'est ça, al-shahid, qarana baynahuma fi hadha al-mawdi', ay min al-Qur'an. Qal wa fi mawadhi' kathira min al-Qur'an, wa li hadha qala subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Donc, في القرآن et كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام tu trouveras des أذكار ou des آيات أن التسبيح الحمد sont cités dans le même texte et تستفيد هذه الفائدة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العيوب والنقائص c'est النفي et c'est ce qu'on verra إن شاء الله تعالى aujourd'hui وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات الكمال أي أنه لا تزاتري بفرفق فهذا النفي وهذا الإثبات c'est التوحيد c'est exactement comme dans la shahada أي le fait de dire لا إله إلا الله نفي وإثبات لا إله c'est du نفي أي personne ne mérite d'être adoré إلا الله c'est du إثبات أي celui qui mérite d'être adoré c'est Allah seul عز وجل هذا النفي والإثبات du توحيد فذاك توحيد الألوهية وهذا توحيد الأسماء والصفات ثم إلى سيتي ما يتعلق بأنواع التوحيد فراجع التنبيهات السنية باج 173 هذه النسخة قال رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وصمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله هذا الذي ذكره المصنف أي الإمام ابن تيمية في المتن ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه مبني على أصلين أحدهما النفي وثانيهما الإثبات وهذا كذلك تقدم معنا بالتفصيل في القواعد المتلى أي أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات أنهم يفصلون في الإثبات أما في باب النفي فالإجمال قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أي في الحاشية قال طريقة الكتاب والسنة طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي المجمل C'est qui peut nous résumer hadhihi al-mas'ala avant de lire kalam al-Sheikh Sa'di rahimahullah. On répète, taqaddam hadha ma'ana fi al-qawa'id al-mutla. Indaman La, le kalam laysa hadha. السؤال كيسا كي بو ريزومي هذه المسألة أي أن طريقة أهل السنة والجماعة أن في الإثبات يفصلون في النفي الإجمال لا يفصلون بل في القرآن وفي السنة أهل السنة بيان سور يمت ان ابليكاسيون هذا تفضل. فلا بس مثل ماذا؟ إجمال في النفي مثل ماذا؟ ليس كمثله شيء. تقدم معنا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن التفصيل في النفي سيبا من باب المدح والثناء. Vous vous rappelez de l'exemple, si tu dis à un homme, tu n'es pas un fumeur, tu n'es pas un poubellier, tu n'es pas un voleur, tu n'es pas... et tu cites que des mauvaises choses, est-ce qu'il va le prendre bien? Là, c'est normal. Si tu veux faire athana, complimenter, citer des bonnes choses, tu dois citer des bonnes choses. Tu dis maintenant, Fulan, il est karim, il est généreux, il est shuja', il est courageux, il a du ilm. Ça, c'est min bab athana. Allah subhanahu wa ta'ala, fi al-Qur'an al-Azim, wa hakada fi al-Sunnah, tu trouveras fi bab al-asma wa sifat al-tafsil, an Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est aziz, il est alim. Il entend, il voit. Il a akhari. Comme min al-asma, on a étudié ensemble, lillahi l'hamd. Certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, une centaine taqriban. Et chaque nom, il renferme un attribut ou akthar. Hada, c'est bit tafsil. Amma al-nafi en général, ça sera min bab al-ijmal. Laysa ka mitlihi shay. Hal ta'lamu lahu samiyya. Hakada. Wa lam yakun lahu kufwan ahad. Ça, c'est un nafi, et tu remarques que c'est min bab al-ijmal, il n'y a pas besoin de détailler. Et là, dans quel cas, il faut réviser le qa'id al-mutla, ya jama'a. Léna, le livre, on vient de le faire. Fal-haqiqa, le qa'id al-mutla, il y a quelques semaines, quelques mois, juste avant l'explication des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le but de faire livre après livre, c'est que ça nous soit utile pour ce genre de livre. Léna, si on a oublié, tout oublié, ou on a oublié la plupart, fandurul al-an. On a du mal à faire le lien, à réviser. Et فالحقيقه pour bien comprendre un livre. Et nous on est مقصر في هذا. أن avant d'assister, tu dois lire le dors. مثلا انت tu aurais lu هذا avant de venir au dors. Un كلام très simple. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف الى اخره بين النفي والاثبات. ثم tu aurais lu une partie du shurah, automatiquement tu aurais fait le lien avec ce qu'on a vu auparavant. Même si tu ne te rappelles plus, c'est normal de ne plus se rappeler au départ. On ne peut pas tout retenir. Lakin, tu serais revenu à Al-Qa'id al-Mutla, ce livre que tu as étudié. Tu aurais cherché la règle, ou le passage, ou que Cheikh Ibn Uthaymeen a détaillé, ma yata'alaq bin nafi wal ijmal. Tu aurais révisé, voilà, 5 minutes, ça suffit. 10 minutes, tu auras à peine lu, tout serait revenu. Tu viens au dars, tu es prêt. Bal, robbama, nastafid mink, nous. Moi ou un autre frère qui n'a pas pu faire ala, on aurait pu profiter. Wahad, il aurait fait une khulasa avec un kalam tayyib, avec des adillah. Amma, venir hakada, c'est pas. Vous n'aurez pas les fruits comme celui qui agit hakada. On répète, il y en a. Ad-dars, tu révises le dars précédent et kadalik, essaye. Khasatan, celui qui a le waq, khasatan, nahnu. C'est pas tous les jours qu'on fait dars. Fil haqiqa, il y a le temps. Il y a toujours du temps, celui qui cherche. Tu révises ma taqaddam et kadalik, jette un œil. Khasatan hadi dorous, les nals sont liés. Ça serait un dars qui n'est pas lié à d'autres. Fal amr sahl. Lakin hada, un nasiha, c'est de faire hakada. Vous verrez, kadalik, fi bab al-sifat, ça sera la même chose. Quand Cheikh al-Islam, il va citer des versets sur al-sifat, vous verrez que ça sera taqriban le même kalam que al-iqtisad fi l'i'tiqad. Cette risala qu'on a vue ensemble. Et le but, c'est d'avancer. Amma, si à chaque cours, on est obligé de tout répéter. On drôle, hein, le temps qu'on perd. Et on refait tout ce qu'on a fait, on n'avancera pas comme il se doit. L'imam d'Aliyana, le but, c'est de faire livre après livre, c'est pour appliquer cette méthode. Il a fait ce dors, on va refaire le Qa'id Moutla. On va refaire un dors. Et fil haqiqa, on a refait le Qa'id Moutla. On aurait pu ne pas faire le Qa'id Moutla au départ et expliquer tout ici. C'est pas ça le but. هذه نصيحة لدروس vous jetez un œil avant المدرس vous croyez comment il fait أنه il connaît tout par cœur là المدرس Avant de venir au cours, il prépare son cours, il jette un œil, il se rend compte directement que ce sujet on l'a vu, il ouvre qu'il monte là, il regarde, alhamdoulilah. Il n'y a pas de secret. Là, t'as le moudarris ou celui qui donne des cours, où il sait tout, où il retient tout. La différence, c'est la préparation. Antum kadhalik, préparez le cours. Préparez le cours. Rubbama nastavid, fawaid. Vous avez deux références, Antum. Et fil haqiqa, c'est deux bases. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces deux livres. Al-Iqtisad fil i'tiqad, c'est une base dans l'aqida. Enfin, tu as cette base, Al-Iqtisad, et tu as une autre base, c'est Al-Qawaid al-Mutla, des règles dans les noms d'Allah et les attributs. Si tu as compris ces deux, tout ce qui vient après, tu construis sur ces bases. Lakin, pour construire sur les bases, il faut se rappeler des bases. Mais les livres, ils sont posés à la maison, on ne les ouvre plus, ils sont oubliés. Donc à partir de là, la prochaine fois, appliquez hada. Chaque cours, tu regardes et tu prépares. Qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui ? Et moi, tu verras, ça sera lié au dars al-qa'il mutla, khasatan le début. Ces règles que Cheikh al-Islam a citées au début, ayma yata'allaq bit-tahrif wa at-takyif, etc., al-ithbat wa an-nafi. Thumma, après, ça sera lié à l'iqtisad fi l'i'tiqad. Hatta on pourra ajouter des choses. Wa illa, on répétera l'iqtisad fi l'i'tiqad. Et on n'avancera pas comme on aurait pu avancer. Hada. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا الذي ذكره المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه مبني على أصلين أحدهما النفي وثانيهما الإثبات أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله كأنه ينفى عن الله لأن الفاعل إلى مجهول نعم أو فإنه ينفي أي celui qui suit ce chemin أي من أهل السنة الأمر سهل أما هنا ينفي قال فإنه ينفى عن الله vous avez tous on a tous la même نسخة tu as ينفي هنا نعم قال فإنه ينفى عن الله ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص وينفى عنها أيضا أن يكون له شريك أو نديد Nadid, c'est le même mot que Nid. Un associé, un semblable. Qala ou mathilun fi shay'in min sifatihi ou fi haqqin min huquqihi al-khassa. Fannafi wadih. Et vous verrez, incha'Allah ta'ala, l'importance de هذا الكلام quand vous étudierez At-Tadmouriya. Fakam min al-nas, ils se sont égarés fi هذا الباب. Fi bab al-nafi. Et كذلك fi bab al-ithbat. قال رحمه الله فكل من نافى صفات الكمال نعم فكل ما نافى صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس دوك الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه عز وجل النقائص والعيوب ليس كمثله شيء C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. L'imada, les créatures, c'est des créatures. Elles ont des faiblesses, des manquements. Il a arrêté. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Donc, il ne ressemble pas aux créatures. قَالَ وَالنَّفِي مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ هَذَا تَقَدَّمْ مَعَنَا فِي الْقَوَعِدَ الْمُتْلَى كذلك. وَالنَّفِيُ مَقْصُودٌ لِغَيْرِهِ عند من؟ أحسنت لأن مجرد النفي c'est pas du كمال vous rappelez de l'exemple مثلا ce mur il est pas injuste et صحيح أن ce mur il est pas injuste il frappe personne il critique personne لكن est-ce que ce minbab الكمال أبدا لأن c'est un mur الكمال c'est de ne pas être injuste لماذا لتمام العدل الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد الله سبحانه وتعالى لا يجست أنفير برسل لماذا لكمال عدله حرمت الظلم على نفسي هكذا قال جل وعلا دون حديث القدسي دونك النفي في حق الله عز وجل صدوى أمبليك إثبات الضد الله سبحانه وتعالى لا يجست لماذا لأنه il est juste Et Al-Adl, ça fait partie de ses attributs parfaits, la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas. La ta'khuduhu sinatun wa la naum, limada? Hein? Li'annahu? أحسنت لأنه كامل الحياة الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Pourquoi? Parce que c'est le hay ou le qayyum. Est-ce qu'on peut dire que ce mur il dort? Là, le mur il dort pas. Lakin, est-ce qu'il a une vie parfaite? Là, enfin, c'est pas du kamal. Amma fi haqqillahi azza wa jal, quand tu as un avis fi le Qur'an ou fi sunna, obligatoirement tu trouveras l'inverse de ce avis min bab al kamal. هذا كذلك تقدم معنا في القواعد المتلى. قال القصد منه الإثبات. Donc quand on fait du nafi, c'est pas مجرد النفي. Comme ils ont fait أهل البدع من معتزلة وجهمية إلى آخره. أنهم ils ont fait مجرد النفي. Qu'est-ce qu'ils ont fait هم في هذا الباب عند من؟ On avait cité هذا كذلك في القواعد المتلى عندك. نعم أن الله سبحانه وتعالى لا يجهل ولا يظلم ولا ينام إلى آخره. Pourquoi ils ont employé cette façon عند من تفضل نعم لماذا لا يثبتون الصفات هذا السؤال أحسنت لأن pour eux si tu fais du إثبات c'est du تمثيل si tu dis Allah il est juste Allah il a du ilm, Allah il a de la rahma. Pour eux, tu fais ressembler à la créature. Donc, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit Allah subhanahu wa ta'ala, il entend. Ou Allah il a de la rahma. Ou Allah il est juste là. Ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne commet pas d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ignore pas. Hada semina safaha. S'il n'ignore pas, c'est qu'il sait. Lakin, ils n'ont pas pu dire en Allah il a du ilm. Limada, l'anna pour eux, c'est une ressemblance à la créature. هذا حال المعتزلة الضلال قال ولهذا لم يرد نفي شيء في الكتاب والسنة عن الله إلا لقصد إثبات ضده فنفي الشريك والنديد عن الله لكمال عظمته وتفرده بالكمال الشيخ سعدي رحمه الله لا ستدي اكزامبل على سيت ريغل فنفي الشريك والنديد أي الند عن الله كي سي كي ان اكزامبل في نفي الشريك والند عن الله في القرآن وفي السنة نعم قل هو الله أحد قوله لم يلد ولم يولد هذا نفي الشريك والند والولد إلى آخر لله pourquoi لكمال عظمته وتفرده parce qu'il est unique c'est pour ça que في سورة الإخلاص قال عز وجل قل هو الله أحد Ça, c'est un dalil. En Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Dalil ala tafarrudihi subhanahu wa nafa. Azza wa jal, des choses qui contredisent hada tafarrud. Cette unicité. Mathalan, le fait d'avoir une compagne, le fait d'avoir un enfant, un associé. Qala wa nafyu as-sinat wa al-nawm. Al-nawm, c'est dormir. Et as-sinat, c'est l'étape avant de dormir. Qala wa al-mawt li kamal hayati. La ta'khuduhu sinatun wa al-nawm. Pourquoi? لأنه عز وجل كامل الحياة. Sa vie elle est parfaite. Donc il dort pas. Il meurt pas. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait dans sa vie. قال ونفي عزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته. نعم. عزوب شيء عن علمه أي لا يخفى عليه شيء. أي الله سبحانه وتعالى il sait tout. قال وقدرته وحكمته كل ذلك لإثبات سعة علمه وتحوّن أبليان باساج لا نعم قال كل ذلك لإثبات سعة علمه وتحول حكمته وكمال قدرته ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة c'est pour ça que النفي في الكتاب وفي السنة النفي c'est le fait de dire que Allah il a pas telle chose Allah il dort pas Allah il meurt pas Tout ça, c'est minbab al-ijmal. Sauf dans certains cas. Sauf dans certains cas qu'on avait vu ensemble fi al-qawa'id al-mutla. Matalan nafi al-walad. Fahuna fi shay min al-tafsil. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant. Ça, c'est pas minbab al-ijmal. On peut le faire rentrer minbab al-tafsil. Et c'est détaillé. Anna Allah, il a bien précisé là où il n'a pas d'enfant. Limada huna y a une précision fi nafi. Indaman نعم لأن بعض المشركين ادعوا ان الله عز وجل له ولد. النصارى par exemple, ils ont prétendu qu'Allah il a un enfant. فمن باب الرد على هؤلاء pour réfuter هؤلاء, montrer que c'est des menteurs, Allah subhanahu wa ta'ala fassal. وما مسنا من لغوب. هذا كذلك تفصيل في النبي. ان الله سبحانه وتعالى quand il a créé les cieux et la terre en 6 jours, قال à la fin du verset وما مسنا من لغوب. Ça c'est un nafi, lakin c'est du tafsil. C'est une précision. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 jours et il n'a pas été fatigué. Comme ils ont prétendu al-Yahoud, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une pause yawm as-sabt. Il était fatigué. قال عز وجل وما مسنا من لغوب. Et pour réfuter قول al-Yahoud al-Mala'in. قال رحمه الله وأما الإثبات فإنه يجمع الأمرين المجملات كالحمد المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق ونحوها وإثبات المفصلة. أما الإثبات فسأبأتخ من باب الإجمال كما قال هنا رحمه الله الحمد المطلق الكمال المطلق أن الله سبحانه وتعالى يبخفي في ذاته وفي صفاته سأسأ من باب الإجمال. كذلك يأتي مفصلا أي بالتفصيل أن الله سبحانه وتعالى il a des mains, il a un visage, il a du ilm, il sait tout, il entend tout, il voit tout, il a une vie parfaite, il est au-dessus des cieux, il a أخرى, beaucoup de noms, beaucoup d'attributs. Ça c'est من باب التفصيل. قال رحمه الله كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك من صفاته. وتقدمت معنى ولله الحمد معاني كثيرة dans l'explication des noms d'Allah سبحانه. قال فأهل السنة والجماعة لازموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة contrairement à أهل البدع والضلال. أنهم المعتزلة قالوا si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a toutes ses صفات أنه il est عليم أنه il est حكيم أنه il est قدير أنه il est رحيم أنه أنه سلحي سلقيهم etc. قالوا هذا سامونتر تعدد القدماء تعدد الآلهة. Pour eux ça implique que Allah il ressemble aux créatures عيادا بالله. Et كذلك ça implique une chose très grave أن الله عز وجل il est pas unique. Et هذا سمين السفا هذا c'est très très grave. Eux ils ont compris أن si tu dis Allah سبحانه وتعالى c'est le Rahim c'est le Qadir, c'est comme s'il y avait plusieurs divinités. Une divinité qui a de la rahma, une divinité qui a de la quwa, une divinité qui a de la hikma, etc. Et ça, c'est min abtal al-batil. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fil qa'il mutla, on avait étudié ensemble, si un être humain, tu le qualifies avec plusieurs caractéristiques, ça ne veut pas dire que cet être humain, il n'est pas seul, il y a plusieurs êtres humains. Maintenant, on dit Muhammad, il est courageux, il a de la science, il est timide. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trois personnes ? Là, Muhammad, il a ces trois caractéristiques. Enfin, as-suvaha, ils ont pensé que le fait de dire que Allah, il a toutes ses sifat, ça contredit l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. C'est pour ça que al-mu'tazila la yufassiluna fil ithbat. Et c'est pour ça que ankaru as-sifat, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala min hadha al-bab. Fa Sheikh al-Islam huna rahmatullah alayhi, il te résume tariqat ahli sunnati wal jama'a أنهم كما قالوا غبت وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أهل السنة والجماعة vu que leur source c'est le Coran et le Sunna, leur croyance elle est fondée sur النفي والإثبات. Ce que Allah سبحانه وتعالى نفى عن نفسه مثلا le fait de dormir, Allah سبحانه وتعالى نفى ذلك عن نفسه. On rejette, on dit Allah il dort pas. وما أثبته لنفسه عز وجل نثبته. الله عز وجل مثلا il nous a informé أنه il est au-dessus des créatures وهو القاهر فوق عباده. فأنا affirme et on croit que Allah il est au-dessus de ces créatures. C'est ça طريقة أهل السنة والجماعة. فريفيزي هذا الباب, ريفيزي هذا الباب, لأن plus tard vous étudierez les égarements de Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya via Al-Bab. Si tu n'as pas compris anta, la voix de Ahl-Sunnah, tu auras du mal à comprendre les réfutations. Yaltabis alayka al-amr. Et on ne pourra pas répéter à chaque fois, ya ikhwan. Qala rahimahullah, وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم. أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه. قوله رحمه الله: فإنه أو فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، أي la cause de la ni'ma. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala أنعم على هؤلاء؟ لماذا؟ لأنهم ils ont suivi هذا الصراط المستقيم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق. C'est pour ça que الشيخ سعدي رحمه الله قال هنا: وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة. Celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala il l'agrée et il accepte ses œuvres et il le récompense fi dunya wa fi al-akhira, il doit suivre le chemin de haoula. لماذا؟ لأن هؤلاء أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما في سورة النساء. إذن سورة الفاتحة قال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. سيكوا هذا الصراط؟ سيصراط ده هؤلاء les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux. قال رحمه الله: وأما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف. Il n'y a pas plusieurs chemins pour réussir. Il n'y a pas plusieurs chemins pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait du serviteur. Il n'y a qu'une voie. C'est « هذا الصراط ». « هذا الصراط المستقيم ». Et « هذا الصراط المستقيم » c'est la voie de Ahl al-Sunnah, c'est la voie des salafs. Et leur aqida, elle est claire. Leur aqida, elle est fondée sur al-Nafi wal-Ithbat. Leur aqida, elle est fondée sur le Coran ou al-Sunnah. Leur aqida, elle est fondée sur des principes très très importants. Et on ne doit pas faire ressembler Allah à la créature, Azza wa Jal. On ne doit pas faire de ta'atil, on ne doit pas rejeter les sifat. On ne doit pas faire de tahrif, déformer. On ne doit pas faire de takyif, chercher le comment. Est-ce qu'il y a un comment? Hein? Na'am. Il y a un comment. On a oublié de préciser dans les doros précédents. Lakin taqaddam ma'ana hadha fi al-qa'id al-mutla. La shak y a un takyif. Lianna ma min mawjoud. وله صفات ما من صفة ولها كيفية لكن نجهل ونصبع نحن ونكونبع التكييف فلهذا نفوض في هذا الباب. أما السنس il est connu. الله سبحانه وتعالى il a révélé ses attributs avec une langue arabe claire. أما ressembler aux créatures فهذا c'est très très grave. C'est من الإلحاد ليس كمثله شيء. فهذا الطريق cette voie qui est la voie du succès et de la réussite ici-bas et dans l'au-delà, elle est fondée sur cette croyance. Enfin, c'est pour ça que قال فإنه منحرف في عقيدته. Celui qui délaisse la voie des gens de la sunna, et عياد بالله qui choisit la voie de المعطلة ou de المحرفة الأشاعرة ou autre, فهذا لا شك أنه سينحرف في عقيدته. C'est pour ça que من القول البعيد جدا c'est de prétendre أن الأشاعرة المحرفة المعطلة أنهم يفون بارتي دو أهل السنة. هذا سبعي جدا. حرفوا في أعظم الأبواب، باب الأسماء والصفات، وكذلك في باب الإيمان، وكذلك dans d'autres أبواب ils se sont égarés. ثم prétendre que c'est eux أهل السنة أو qui font partie de أهل السنة، هذا سبعي جدا. قال وأخلاقه وآدابه. Ça c'est très très important. Celui qui s'égare dans sa عقيدة en général il s'égarera dans son comportement. Il y en a, c'est lié. Même si il a un bon comportement, ça sera dans certains cas. Et ça sera pour se montrer. Ou pour un profit de dunya. Ou pour avoir des suiveurs. Amma as-sunni là, il a un bon comportement qui est lié à sa croyance. Il a un bon comportement. Pourquoi? Pour satisfaire Allah. C'est pour ça que ahyanan, le bon comportement, c'est une chose que les gens ils pensent être un mauvais comportement. Même si les gens ne sont pas d'accord et c'est un bon comportement, on l'applique. Amma ahlul bid'a wal ahwa, et ceux qui ont une mauvaise aqida ou des faiblesses via d'alba, ils s'adaptent aux gens. Le bon comportement, c'est par rapport aux gens. فمثلا, ne pas serrer la main d'une femme étrangère, c'est un bon comportement. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم il était على خلق عظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى, et il a jamais serré la main d'une femme étrangère. Donc c'est le bon comportement. Donc si on ne serre pas la main à une femme, même si les gens nous accusent d'être durs, d'avoir un mauvais comportement, ça ne se fait pas, il a akhiré, c'est ça le bon comportement. Tu trouveras un munharif qui a une mauvaise aqidah ou des faiblesses, il va s'adapter aux gens. Il serrera la main, il va dire « Lakin, ça ne se fait pas, il faut de la hikma et min hadal kalam al-fariq. » C'est un mauvais comportement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de serrer la main d'une femme étrangère. هذا كلام جميل. Cheikh Saadi rahimahullah, on répète, vous avez remarqué son charh, il n'explique pas mot à mot. Là, il explique bil jumla, il te résume ma arada Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec un kalam jamil, mukhtasar, mufid. Fa raji'u وراجعوا هذا الكلام et في الحقيقة vous avez remarqué depuis le début du livre ma adhul on a ajouté une mas'ala qu'on n'a pas vu tout ce qui est lié au tamtil, au takif, au ta'atil taqaddam ma'ana tout ce qui est lié à al-nafi ou al-ithbat taqaddam ma'ana pour l'instant on n'a rien ajouté c'est que al-qawa'id al-mutla قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Après cette مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد دخل في هذه الجملة أي الإثبات. Vous avez remarqué que on a vu أن طريقة أهل السنة c'est النفي والإثبات. ثم شيخ الإسلام à partir de هنا il va te citer beaucoup de preuves pour montrer هذا الإثبات أن الله سبحانه وتعالى il a tel attribut tel attribut ça va prendre une partie du livre enfin, c'est ça l'ordre à partir de maintenant on commence avec le premier dalil في هذا le premier dalil ça sera sur الإثبات والنفي ثم vous verrez des أدلة sur الإثبات قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة أي النفي والإثبات ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن قبل هذا ننظر نتأكد من قوله وقد دخل في هذه الجملة pour bien comprendre chaque mot ou savoir pourquoi il a cité chaque mot revenez à شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله ou شرح شيخ البوزان حفظه الله ils ont détaillé كثيرا فمثلا هنا قال قل هو الله احد هنا نعم وقد دخل في هذه الجمله قال شيخ ابن عثيمين قوله وقد دخل في هذه الجمله يحتمل انه يريد بها قوله وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات c'est pour ça qu'on est revenu au livre il y a un ihtimal وقد دخل في هذه الجمله qu'est-ce qui veut dire شيخ الاسلام بهذا اي ce qu'il va citer sourate al-ikhlas ça rentre dans ce qu'il a cité précédemment est-ce que c'est un nafi ou al-ithbat هذا c'est le premier قول قال ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله في الحقيقة يبدو تعارض لأن ما وصف الله به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم سيأنفي والإثبات أفيك دي أدلة قال وأيا كان فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق هذا دون قوله وقد دخل في هذه الجملة أي la voix de أهل السنة أي parmi les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran et le Sunna ou son messager alayhi salatu salam ou on est dans la suite de ma taqaddam ay an-nafi wal ithbat et dans les deux cas c'est valable limadha li'anna surat al-ikhlas il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad et كذلك فيها نفي واثبات النفي قوله لم يلد ولم يولد الاثبات الله الصمد donc هذا وهذا c'est valable قال رحمه الله وهذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله وأنه يجب vous avez remarqué que الشيخ سعدي رحمه الله il a démontré هنا أن هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة أي la parole de الشيخ الإسلام au début أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه avec certaines صفات وهكذا الرسول et parmi les textes ou des صفات elles sont citées سورة الإخلاص قال وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنها فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أي أن cette سورة sourate al-ikhlas, ay qul huwa Allahu ahad, elle équivaut au tiers du Coran. قال وذلك كما قال أهل العلم إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة وهي ترجع إلى ثلاثة علوم. L'explication de ce hadith أن سورة الإخلاص l'équivaut au tiers du Coran. Pour comprendre هذا, Cheikh Sadi رحمه الله, il nous a montré أن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة وهي ترجع إلى ثلاثة علوم. Le Coran, bien sûr, il renferme beaucoup de sciences. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces sciences, sur le haqiqa, qui sont citées dans le Coran, tu peux les diviser en trois catégories. Vu que Sourate al-Ikhlas, ça traite une de ces catégories, ça équivaut au tiers du Coran. Tu as trois parties. La première, la deuxième, la troisième. Sourate al-Ikhlas, ça traite une partie. Donc c'est le tiers. Le tiers c'est 1 sur 3. Donc Sourate al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran. هذا هو معنى الحديث. On n'a plus qu'à lire les trois parties. قال احدها علوم الاحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعها. La première partie du Coran c'est في الاحكام والشرائع. Comment faire salat, comment faire siyam. Même si ce n'est pas cité en détail, des versets sur l'ahkam, concernant la salat, le siyam, l'hajj, ce qui est lié à l'héritage, au mariage, au divorce. Ça, c'est une partie. Beaucoup de versets, c'est sur cette partie. La deuxième, قال, علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى بها العاملون من خير وشر وبيان تفاصيل الثواب والعقاب. Deuxième partie, c'est Ulum al-Jaza. Et tout ce qui est lié aux récompenses ou aux châtiments. Et qu'avec les histoires qui sont liées aux récompenses ou aux châtiments. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié le peuple de Pharaon. Tu trouves beaucoup d'histoires dans le Coran. Qasas, des récits. Qu'avec ma yata'alak bil Jannah. Beaucoup de versets sur le paradis, sur l'enfer, sur le jour du jugement. Qu'avec les peuples qui nous ont précédés, les peuples qui, ce qui est lié à l'heure. Au jour du jugement dernier. Tout ça, c'est la deuxième partie. قال الشيخ بن باز رحمه الله on lira son kalam. أو نعم نعم هنا قال وخبر عن خلقه من الجنة والنار وأشراط الساعة كذلك أشراط الساعة les signes de l'heure وجميع ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيد ومما كان أو سيكون. Tous les récits des peuples qui nous ont précédés ou ceux qui viendront. Aïe, ma yata'alak bi Ya'juj wa Ma'juj, ma yata'alak bi Dhil Qarnayn, les histoires qui sont citées fi Sourate, les récits qui sont citées fi Sourate al-Kahf. Tout ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, Ulum al-Tawhid wa ma yajib ala al-ibad min ma'rifatihi wa al-Iman bih, wa huwa ashraf al-Ulum al-Thalatha. La troisième partie, Ulum al-Tawhid, tout ce qui est lié au Tawhid. وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به. Tout ce qui est lié à la foi, les noms d'Allah, les attributs, tout ce qui est lié à la croyance et au tawhid. وهذا أشرف العلوم. Après avoir lu les trois parties, Sourate al-Ikhlas, c'est quelle partie? Hein? نعم, c'est la troisième. علوم التوحيد. Donc Sourate al-Ikhlas تعدل ثلث القرآن. Ça équivaut au tiers du Coran. لماذا? لأن ça traite la troisième partie. قال رحمه الله وسورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده. أي لا troisième partie. علوم التوحيد. سورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده. C'est pour ça que c'est une sourate très très importante. C'est pour ça que le nom c'est سورة الإخلاص. أي هذه السورة montre الإخلاص والتوحيد. أن الله سبحانه وتعالى il est unique. Unique في ربوبيته. Unique fi uluhiyyatihi bien sûr et unique dans ses noms et dans ses attributs. قال فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة والكمال. Ça, c'est un nom qu'on a étudié ensemble, Al-Ahad. أما le nom Al-Fard, فتقدم معنا أنه فيه نظر. قال الله متفرد بالعظمة والكمال. الله il est أحد أي il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Azza wa Jalla. Il est parfait et il est unique. قال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء يحقق ذلك قوله الله الصمد أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله فهو العظيم الكامل في عظمته. تقدم معنا هذا كذلك اسم الصمد dans notre série sur l'explication des noms d'Allah Azza wa Jal. من معاني الصمد parmi les sens de ce nom أن الله سبحانه وتعالى السيد العظيم الخالق المالك سبحانه يبسط قال وقد انتهى في سؤدده ومجده وكماله فهو العظيم الكامل في عظمته الكامل في علمه العليم الكامل في علمه الحكيم الكامل في حلمه قال فهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته. هذا c'est un sens parmi les sens de As-Samad. أن الله سبحانه وتعالى c'est سيد et il est parfait dans tous ses attributs. قال ومن معاني الصمد un autre sens qu'on a également vu ensemble ولله الحمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها فهو المقصود وهو الكامل المعبود. Les deux sens y vont ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sayyid, celui qui possède tout. Il est parfait dans ses noms et dans ses attributs. Et mulma'ani samad kadhalik anna l'être humain, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li anna c'est Allah qui donne. Que ce soit un rizq qu'on a besoin pour dunya ou un rizq qu'on a besoin pour l'akhira, et il a guidé. L'être humain, il a besoin de ces deux choses. De rizq pour son corps, tout ce qu'il y a, la nourriture, la boisson et l'akhir pour vivre. Et il a besoin du rizq pour son cœur, la guider. Qu'Allah, il le guide à l'islam. Enfin, celui qui mange, qui profite du rizq et qui n'est pas guidé, enfin, son corps, il est vivant et son cœur, il est mort. Amma al-mu'min, enfin, il fait des efforts pour son corps et il fait encore plus d'efforts pour son cœur. Enfin, as-samad, huwa alladhi tasmud ilayhi al-khaliqatu kulluha. Et tout le monde revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'annahu c'est lui qui possède tout. Qala wa taqsuduhu fi jami' hajatiha wa muhammatiha fa huwa al-maqsud wa huwa al-kamil al-ma'bud. Et vu que Allah subhanahu wa ta'ala il a ses attributs, ça implique annahu c'est le ma'bud. Celui qui donne, celui qui guide, celui qui possède tout, c'est lui qui mérite l'adoration. Et tu déduis de cela anna celui qui adore autre qu'Allah c'est un kafir. Il contredit tous ses sens. Comment adorer un mort, ou un prophète, ou un ange, ou un arbre, ou une pierre, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ces créatures. Donc celui qui a tout créé, qui possède tout, c'est As-Samad, c'est le Malik, c'est l'Azim, on doit l'adorer seul. قال فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. Si tu as compris هذا فقوله قل هو الله أحد الله الصمد. Tu as plusieurs noms, tu as Allah, tu as الأحد et tu as الصمد et tu as plusieurs صفات. فالحقيقة ces trois noms avec ces صفات ça englobe tous les noms d'Allah et tous les attributs. لأن الله عز وجل c'est Allah, bien sûr, et c'est Al-Ahad et c'est Samad. Et si c'est Al-Ahad, c'est Samad et c'est Allah, c'est que c'est Al-Rahim, Al-Malik, Al-Samir, Il-Akhir, comme on a vu ensemble dans nos doros, Walillahi Alhamd. قال فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات وهو أعظم النوعي. Donc, هذا c'est Al-Ithbat. Al-Tawhid, il est fondé sur deux choses. Que ce soit Tawhid Al-Ibadah, أو توحيد الأسماء والصفات il est fondé sur النفي والإثبات. فهنا tout ce qu'on vient de voir قوله الله أحد الله الصمد ça c'est الإثبات et Allah سبحانه وتعالى il a tous les noms parfaits tous les attributs parfaits عز وجل. C'est pour ça que سورة الإخلاص elle équivaut au tir du Coran. لماذا لأن le tir du Coran c'est sur les noms d'Allah, ses attributs et tout ce qui est lié à la croyance d'Allah en Allah subhanahu. قال النوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والند والكفو والمثل. Donc la deuxième catégorie du tawhid c'est النفي أي التنزيه. Et cette sourate elle englobe هذا. قوله عز وجل قال وهذا داخل في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. هذا قوله ولم يكن له كفوا أحد. Ça ressemble à قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. أي الله سبحانه وتعالى il a pas de مكافئ, il a pas de مماثل, il a pas de نظير. Rien ne lui ressemble. Il a besoin de personne. Il a pas besoin d'aide. Il a pas de semblable. Il a pas d'associé. Il a pas d'enfant. Il a pas de compagne. Allah il est unique. C'est al-ahad, c'est al-samad. Il a besoin de personne. بل c'est les créatures qui ont besoin d'Allah. عز وجل كما تقدم معنا اسم الصمد. قال فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن نزه الله بفتح الهاء. نزه أي العبد, أي سي العبد, ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا, عن هذه النقائص والعيوب يسوغ على الصراط المستقيم. فبيان متخ اون فتحة على فان دو لفظ الجلالة. قال بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفو ومثيل وشهد بقلبه انفراد الرب الوحدانية والعظم والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد والصمد. Donc tous les noms, ils reviennent à ces deux noms, Al-Ahad, Al-Samad. قال ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجته الظاهرة والباطنة متى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي. فتأملوا هذا. إحساسا نمونتخ أن هذه السورة لها معاني عظيمة. Celui qui unifie Allah سبحانه وتعالى dans ses noms et dans ses attributs. هذا c'est توحيد الاعتقاد. Il va unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa croyance. Pourquoi placer sa confiance en autre qu'Allah alors que Allah c'est As-Samad, c'est lui qui donne. Pourquoi adorer autre qu'Allah alors que Allah c'est l'Ahad, il est unique. Pourquoi avoir peur d'un djinn ou d'un être humain ou de l'avenir ou de la pauvreté ou d'une telle maladie alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'Ahad, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui gère tout. هذا ça va impliquer une autre chose. Celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur, il va l'unifier avec ses membres. فهذا قوله رحمة الله عليه ومتى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي. Le fruit de cette croyance, أن هذا العبد, il va craindre que Allah, il va placer sa confiance qu'en Allah, il va espérer que d'Allah, bien sûr en faisant les causes, il va adorer que Allah, il va sacrifier que pour Allah, il va pas adorer une tombe. Il ne va pas demander à un wali qui est mort il y a des siècles. Il ne va pas prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala il a un fils. Ce verset, ça nous montre que les Yahoud et les Nasara, c'est des mécréants. Ils disent que c'est des croyants. Ils ont un livre, ils ont un messager. Ils ont du kufr, ils ont de la mécréance. Ils ont prétendu que leur messager, que Allah il leur a envoyé, pour les guider, pour leur faire miséricorde, ils ont prétendu que c'était l'enfant d'Allah. Allah Azza wa Jalla قال لم يلد ولم يولد. Il a pas d'enfant, il a pas été enfanté, il a pas de père, il a pas de mère, il a pas d'enfant, il est unique. Ça c'est min sifat al-bashar. Ça c'est parmi les caractéristiques des êtres humains, des créatures, annahum ils ont des parents ou des enfants. قال متى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي. Donc, التوحيد العلمي, c'est ce qu'il y a à la science, à la croyance dans le cœur. التوحيد العملي, c'est avec les membres. Donc, التوحيد العلمي, ça sera توحيد الأسماء والصفات. Et التوحيد العملي, ça sera توحيد العبادة. أي adorer Allah seul. فحق لصورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. Si tu as compris هذا, tu sauras maintenant pourquoi سورة الإخلاص, ça équivaut au tiers du Coran. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونكتفي بهذا القدر. On répète النصيحة ريفيزي. Faites des efforts أكثر. ولله الحمد. Vous révisez, c'est طيب. لكن نحن دائما on vous conseille pour que ça soit mieux. Faut mettre la barre haute في العلم. خاصة ces livres. Ces livres, peut-être c'est la première fois que tu étudies هذا الكتاب الواسطية. Peut-être c'était la première fois que tu as étudié le Qaïd Moutla. C'est des usul, c'est des bases. Si tu les as comprises, ces bases, et tu les as saisies, bi'idnillahi azza wa jal, ça sera très très simple. Ça sera très très simple pour les prochains livres. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat. On passe à notre prochain dars bi'idnillahi azza wa jal.